Yo. Ta oma jabi nina manga tikande isoma. Vite bonheur et tabac faux winyan ni kun ni zuma. Baby eno winyan to likel man privé. Allé fa comme peu avec une RDV. Allé wa toma it karadat kan pele. Inti ano mamzele. Ivanga kusoda sa kokano tenga tiano. Andania kuvola sa tia zambo manka fiano. Baby eno winyan to likel man privé. Allé fa comme peu avec une RDV. Allé wa toma it karadat kan pele. Inti ano mamzele. Jab jab jab jab jab them no one yo. Zengile no gulang for wa miako. Iskwalan tekenga tivi langi yam piako. Baby no winyan to likel ma. Na lefa kwempe am no nerdeve. Ale wa toma ilts karadak kan pele. Inti ano mamzele. Atova one. Ava ke tu. Atova free. Anu man wiki anu mandi. Atova one. Avec et tu. Atova free. Anu man wiki anu mandi. Ale finde sa miringi ringi. Baby in the sun, miringi ringi. Hey, baby girl, miringi ringi. Oh, alle finde sa miringi ringi. Hello. Atova one. Avec tu. Atova free. Anu man wiki anu mandi. Atova one. Avec tu.